J'écoutais la radio hier soir. Y'avait un politicien qui a mis ses fesses en face du micro pour chier sur les noirs. L'histoire il s'en prive. Souvenir de ces longues nuits où ils étaient captifs. Les Allemands au contrôle de ce pays leur mettaient des gifles. Aujourd'hui c'est champagne, discours de campagne et conviction de plastique. J'suis d'accord, chacun doit payer pour ses crimes. Y'a pas de criminel passif. Et ça implique que vous êtes plus que complice de ce qui se passe. Ne parlons pas de ce que vous avez fait, continuez de faire en Afrique. Plus rien n'arrête la farce, rions parce qu'on est cuit. Pour eux, des rejetons, la main d'œuvre périmée, du fion à en viander. Sinon pourquoi diaboliser toute une couche de la population? Le temps ne sait pas se taire. Vous avez intérêt à porter les couches, serrer les fesses. Un rectum humain ne peut pas retenir toute cette merde. Je n'ai que ma bouche et mon courage avant qu'une guerre n'éclate et qu'on ne tue tout mon entourage. Je laisse l'horloge tourner, des ministres mentir en me disant, de toute façon même toi t'es condamné à mourir. Président de la République est un très beau titre. N'oublie pas t'es comme moi, t'es de la viande non cuite. C'est juste un rappel, quand tu te regardes dans ta glace, c'est juste un rappel. Monsieur le Président, je suis français. Du moins, je suis censé être français. Je suis comme vous. À n'importe quel moment de la journée, je peux partir. Tout comme ceux qui étaient présidents avant vous sont déjà partis. Vous avez une très grande responsabilité, je sais que vous le savez. Vous avez de nouvelles Citroën. Vous construisez des nouvelles tours de Babel. Y'a rien à dire. Dans votre style, personne excelle, tant que vous. Personne n'en crève autant que nous. C'est juste un rappel. C'est juste un rappel. Pour que personne ne soit surpris. Le dernier jour, seul, sans sa famille, face à ses vrais soucis. Avec tous mes respects, signé un négro parmi tant d'autres.